est dans la salle. Jésus est dans la salle. Jésus est dans la salle. Jésus est dans la salle. Jésus est là ce soir. Jésus est là ce soir. Jésus est là ce soir. Jésus est dans la salle. Ne sois pas distrait à ce mouvement. Jésus est là en ce moment. Tu ne vas pas sortir comme tu es entré. Tu es venu, tu étais touché par quelque chose. Il y a un mot avec lequel tu es sorti à la maison. Mais ce soir, Emmanuel est là. Le Shama, il est là. Le Rabbi, il est là. Le Rapha, il est là. L'Elion, il est là. Le Sabaoth, il est là. Le Kamwenampata, il est là. Le Wanyole Abutoke, il est là. Celui qui nous guérit, il est là. Celui qui nous garde, il est là ce soir. Il est là ce soir pour toi. Sois connecté. Ne sois pas distrait. Sois connecté ce soir. Il y a quelque chose qui va se passer. C'est une soirée de prière. Très vite, sois connecté à ces dieux. Tu as laissé tes affaires pour les rencontrer ce soir. Tu as laissé ton travail pour le voir ce soir. Tu as laissé ce que tu faisais pour que Jésus-Christ puisse un peu te toucher. Théa, Kadadada, Shadada. Les dieux pour qui nous sommes là ce soir, il ne va pas nous oublier. Leur Dieu peut le s'oublier. Mais notre Dieu ne nous oublie pas. Les dieux des mâles les a oubliés. Mais notre Dieu ne va pas nous oublier ce soir. Ea. Dieu est là. Il est là ce soir. Dieu est là. Notre Dieu est là ce soir. Notre Dieu est là ce soir. Paka na chie à tout bambe. Paka na chie à tout gousse. Paka na chie à son zéro. Qui tout qui m'a mon maman y saïet. Le Dieu pour qui nous prions ce soir, il est là. Jésus est dans la salle. Yeah. Sama. Ute. Epa. Awata. Sagava. Akalia. Tamande. Epante, Egenia, Sakwande, Berege, Elampe, Pawante, Saneve, Egehe, Satana, Lakante, Epige, Baria, les dieux pour qui on a laissé nos maisons là ce soir. Sade, Riga, Okani, Sevea, les Bali, Hadadas. Sois connecté, monte. Sois pas distrait, monte. Le ciel est dans ces lieux. Ceux de chez nous, ils sont dans ces lieux. Ceux de chez nous, ils sont dans ces lieux. Ceux du ciel sont dans ces lieux. Ces deux genoux sont dans ces lieux. Les 24 vieillards sont là. Les archanges sont là. Les séraphins sont là. Ne sois pas distrait. Savetaria, Elembrada Hanada Se, Setelia Gata Lamata, Sadali Gelevia Sade, Ependelia Gata Tadadia, Akata Labada Sadaria, La Quaniveria de Catala, Elemlia Tolim Radekea, Sawatele Melia Seveke, Padi, Padi, Paria, Tada Sede, Kiria, Assorte Tadi Shakea, il n'attendra pas la fin du good food de tous ceux. Gadas, Emma, Elea, Wanuele Abutonye, Wakasi Jakilonda, Etenesa, Abelesa, Ashakapanga, Ekalamante, Wetentelemea, Wakantalamea, Sebe, Tetelite, Tala. Aya, Sea, Alavaya. Merci, Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Nous saluons ta présence ce soir. Nous saluons ta présence par nos acclamations. Nous saluons ta présence par nos acclamations. Nous saluons ta présence par nos acclamations. Par nos acclamations, il y a des miracles qui sont en train de tomber. Par nos acclamations, il y a des problèmes qui sont en train de tomber. Alléluia. Par nos acclamations, il y a des maladies qui sont en train de tomber. Par des acclamations, il y a quelque chose qui est en train de reculer. Alléluia. Ce qui a pris de la hauteur, Alléluia. Ce soir, ça fuit au devant de nous. Celui qui est en train d'attaquer, Alléluia. Ce soir, il ne va plus attaquer au nom de Jésus. Alléluia. Ce soir, il doit reculer, prendre fuite. Alléluia. Ce soir, il doit abandonner. Alléluia. Parce que Jésus est dans la salle. Alléluia. Parce que Jésus est dans la salle. Alléluia. Parce que Jésus est là ce soir. Alléluia. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Amen. Est-ce que tu peux saluer celui qui est à tes côtés? Est-ce que tu peux le saluer convenablement? Dis-lui ceci. Jésus, ce soir, il va te donner quelque chose. Ce soir, il fera quelque chose. Ce soir, il te donnera ce que tu n'as jamais pensé. Ce soir, il te donnera ce que tu n'as jamais eu à cœur. Ce soir, il fera quelque chose de différent. Tu étais habitué à ma salutation. Tu étais habitué à me saluer. J'ai pas vu les gens se saluer. S'il vous plaît, saluons-nous. Tenons-nous debout, saluons-nous convenablement. Saluons-nous convenablement. Salue ton voisin. Dis-lui ce soir, Dieu va te visiter. C'est une autre soirée. Maombi ya chini ya leo tuliingia mais tutatoka mapana vile tuliingia. Tuliingia bengine tutatoka bengine. Aya leo miku sûr que Mungu atafanya kitu kimomo maisha yangu. Mangaribi ya leo, paka kitu kima kitasonze kwa maisha yangu. Mangaribi ya leo, paka Mungu anibariki, avani toke hapa. Bane nicheka sana, paka kitu kima kisonze. Alleluia. Je dis merci à papa de nous avoir encore donné la parole ce soir. Quand un père te donne la parole, ce qui te fait confiance. Et nous disons merci à papa. Nous disons merci au collège des anciens. Nous disons merci à toi qui es venu ce soir pour nous écouter. C'est que je sais que tu n'es pas venu seul. Tu es venu avec un problème. Mais ce qui est bien, c'est que le problème va rester et toi tu vas rentrer à la maison. Je ne sais pas s'il y a quelqu'un qui est ici avec moi. Ton amen va nous encourager à avancer. Ton acclamation va nous amener à avancer. Ce soir, j'ai tellement une foi que Dieu va faire quelque chose avant que nous sortions en ces lieux. Il y a des vendredis et il y a aussi des vendredis. Le vendredi d'aujourd'hui, dans le calendrier, il est unique. Il n'y a pas un autre vendredi. Il n'y aura pas un autre vendredi parce que ça sera mon vendredi. Le vendredi où Dieu va changer ma situation. Le vendredi où Dieu va toucher ma vie. Le vendredi où Dieu va changer quelque chose dans ma famille. Le vendredi où Dieu va toucher quelque chose qui m'appartient. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Est-ce que quelqu'un peut dire c'est mon vendredi? C'est mon vendredi. C'est mon vendredi. Élisée. Nous sommes dans le livre de deux rois. On va commencer à partir du chapitre 4, à partir du premier verset. La Bible me dit ceci. Une femme d'entre les femmes des fils des prophètes cria à Élisée en disant, ton serviteur, mon mari, est mort. Et tu sais que ton serviteur craignait l'Éternel. Or, le créancier est venu pour prendre mes deux enfants et en faire des esclaves. Élisée lui dit, que puis-je faire pour toi? Qu'as-tu dans la maison? Elle répondit, ta servante n'a rien du tout à la maison qu'une vase d'huile. Et il le dit, va demander au dehors des vases chez tous tes voisins, des vases vides, et n'en demande pas un petit nombre. Quand tu seras rentré, tu fermeras la porte sur toi, sur tes enfants. Tu verseras dans tous ces vases et tu mettras de côté ceux qui seront pleins. Alors elle le quitta. Elle ferma la porte sur elle et sur ses enfants. Il lui présentait les vases et elle versait. Lorsque les vases furent pleins, elle dit à son fils, présente-moi encore un vase. Mais il répondit, il n'y en a plus de vase. Et l'huile s'arrêta. Elle alla le rapporter à l'homme de Dieu. Et il dit, va vendre l'huile et paye ta dette et tu vivras, toi et tes fils, que ce qui restera. Depuis le dimanche, nous sommes dans un thème qui est tellement grand, puissant et fort. Ne limite pas Dieu pour ton miracle. Quand le pasteur le dimanche nous donnait les chapitres, là où j'étais, je me rappelais de l'université. Je me disais, nous avions fini l'université, mais l'université nous a poursuivis même à l'église avec les chapitres. Nous qui avions fait la médecine, il y a des chapitres qui peuvent vous prendre 200 pages. Un seul chapitre, mais ça vous prend 200 pages. Il y a des chapitres qui sont tout un livre. Il y a des chapitres comme la fièvre. Quand vous prenez la fièvre juste, il y a des livres et des livres et des livres sur seulement la fièvre. Et quand papa nous donnait les dimanches les chapitres, chapitre, je me dis la chose elle est sérieuse. Ce soir nous serons dans le deuxième chapitre. Et quelque chose sur lequel Dieu va s'appuyer pour faire ton miracle. Fais en sorte que tu aies quelque chose sur lequel Dieu doit se baser pour accomplir ton miracle. Quand j'étais en train de lire la Bible, je me suis mis à faire quelques exercices. Je suis allé chercher le premier verset dans différentes versions. Je ne sais pas si on peut nous projeter la version Louis II, juste les premiers chapitres. Parce que dans la version Sainte Bible, il y a quelque chose que j'ai souligné. Dans la version Sainte Bible, il y a cette conjonction qui m'a vraiment tiqué. C'est la conjonction or. La Bible nous dit là-bas. Or le créancier. Dans la King James, le or là se retrouve au début. Le or en français, on me dit que c'est une conjonction de coordination. Il y a quoi une conjonction de coordination? Ça veut dire que ces versets devaient être coordonnés. Mais quand je lis ces versets, il y a des choses qui ne sont pas coordonnées. La première de choses, nous sommes devant une femme qui est femme des fils des prophètes. Mais quand on se demande cette femme, quelle est sa généalogie? Elle n'a pas de généalogie. Quelles sont ses origines? Elle n'a pas des origines. Il se peut que toi aussi ce soir, que tu n'aies pas des origines. La deuxième de choses, son mari prophète, son mari serviteur, mais son mari meurt avec une dette. Deuxième incoordination. Troisième des choses, il y a un créancier qui vient pour chercher ses deux enfants, pour les faire des esclaves. Troisième incoordination. Je me suis dit, il y a un problème. Comment là où il devait y avoir la coordination? Mais il y a des incoordinations. Il se fait que ce soir, dans ta vie aussi, il y a des incoordinations. Mama Ishayako, dans ta vie, pine-toi bien, les choses n'est pas conforme. Les choses ne marchent pas. Bizarre encore. Les créanciers, quand il vient, il vient chercher les enfants. Je suis une femme. Après le décès de mon mari, je suis en deuil. Alléluia. Amina. Est-ce qu'on est ensemble? Est-ce qu'on est ensemble? Tuko pamoja. Miku mwikirio. Je suis en deuil. Bwana yangu anatokea kufua. Mon mari vient de décéder. Wekin tunakuwa okuona njua kubeba. Mais toi ce que tu vois pour venir récupérer. Ni kubeba batoto yangu. C'est récupérer mes enfants. Créancier oh tu la simama mu maisha yako. Ule wote wakia kupindania na mtongo. Mangaribi ya leo. Soit. Paka na yatanguka mshina la Yesu. Que lui aussi va tomber dans le nom de Jésus. Ye kila riona. C'est que lui la paka batoto. Il a vu seulement les Apana. Enfants. Non. Créancier on a landa. Ce soir, les enfants, tu ne vas pas les prendre. Et puis, Ingen. Tu prends les enfants pour les amener où? Pour en faire des esclaves. Mes créanciers. C'est quelque chose qui puisse venir travailler pour toi. Que tu demandes une parcelle que je puisse te payer. Demande-moi que même moi-même je puisse travailler pour payer ma dette. Mais les créanciers sont tellement mauvais que lui, le seul travail qu'il voit dans sa tête, c'est de faire de tes enfants des esclaves. Je proclame ce soir que tes enfants ne seront pas esclaves. Je proclame ce soir, les enfants n'iront pas aux esclavagistes. Le diable le cherche pour qu'il puisse aller se prostituer. Ils n'iront jamais là-bas. Mes enfants n'iront jamais là-bas. S'il y a les créanciers, il y a Élisée. S'il y a les créanciers, Élisée est là. Ce soir, Élisée est là. Ce soir, Élisée est là pour ta situation. Ce soir, Élisée est dans la salle. Élisée pose une question. Qu'est-ce que tu as? Nini ukonayo? Qu'est-ce que tu as, premier Nini point? Ukonayo? Qu'est-ce que tu as dans ta vie? Nini ukonayo maisha yako? Qu'est-ce que tu as dans ta maison? Nini ukonayo nyumbani kwako? Qu'est-ce que tu as sur toi? Nini ukonayo kwako? Parce que si tu n'as rien, kama unana kitu, dans la parabole de talent, ata ifumo tena lo, on me dit que si tu n'as rien, wanasema kama unana kitu, même le peu que tu as, on viendra prendre. La question, je n'ai rien. Mais on viendra prendre le peu que c'est. C'est-à-dire, il y a quelque chose. Peut-être la seule chose que c'est, c'est mon corps. Qu'est-ce que tu as? Qu'est-ce que tu as ce soir sous lequel Dieu va s'appuyer pour faire ton miracle? Il pose la question. Dieu pose la question à Moïse. Qu'est-ce que tu as dans la main? Moïse lui dit un bâton. Dieu se dit, tu as l'instrument parfait où je peux m'appuyer pour démontrer à Pharaon que je suis Dieu. Et quelque chose dans ta main qui va démontrer à Pharaon que Dieu est Dieu. Si tu manques quelque chose, Dieu ne saura pas où s'appuyer pour accomplir ton miracle. Et quelque chose. Le problème, c'est que Moïse regarde et se dit, c'est juste un bâton. Le problème à Moïse, tu ne connais pas l'histoire de ces bâtons. Dans les jardins d'Eden, il y avait deux arbres. Il y avait un arbre de la connaissance du bien et du mal. Il y avait aussi un arbre de vie. Le problème, c'est que ces bâtons que tu tiens en main, ils proviennent de cet arbre de vie. Jette-le et tu verras. Quand Moïse jette le bâton, le bâton change. Le bâton qui était aux yeux de Moïse comme un simple bâton, c'est devenu un serpent. Dieu lui dit, j'aime ces bâtons. J'avais mon ami Noé. Noé cherchait un bâton. Il cherchait du bois pour faire un bateau. Je lui ai dit, Noé, écoute, il y a un arbre que j'ai depuis le commencement. Va chercher ce bois-là. Fais un bateau. Noé est allé chercher. Les bateaux, quand l'eau a commencé à remplir la terre, c'est que j'aime, les bateaux n'est pas entré dans l'eau. Ces bateaux-là n'étaient pas Titanic. Il est bateau et Titanic est entré dans l'eau. Titanic est les bateaux des hommes sont entrés dans l'eau. Mais les bateaux des dieux ne peuvent pas entrer dans l'eau. Pourquoi? Parce que le bois qui accompagnait ces bateaux venait d'un arbre de la création. Moïse, ce n'est pas un simple bateau que tu as en main. Quand Moïse naît, on les jette sur l'eau. Je me suis posé la question pourquoi. Parce que sur l'eau il y avait un reste de bois. Le bateau là de Noé que Moïse devait récupérer. Et quand Moïse lui a ce bois, il pense que c'est un simple bois. C'est un bois qui doit montrer à Pharaon qu'il y a Dieu, il y a aussi Dieu. Et quelque chose dans ta main sur lequel tu dois t'appuyer pour te montrer aux sorciers de ta famille, pour montrer à ceux qui te combattent que Dieu est capable de tout. Est-ce que Dieu est dans la salle? Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Et quelque chose en main pour prouver à ce monde que Dieu est capable. Et quelque chose en main pour démontrer à cette génération que Dieu est capable. Alléluia. Amen. Cette femme a dit à Élisée: oui, j'ai de l'huile. C'est bien beau. Tu as de l'huile. Mais va chercher des vases. Mais pas n'importe quel vase. Va chercher des vases vides. Ce soir, est-ce que tu es venu vide? Ce soir, est-ce que tu es venu vide? Est-ce que dans ton vase, réellement, si on y regarde, est-ce que ce vase est vide? Dans ton vase, il n'y a pas de problème. Dans ton vase, il n'y a pas la jalousie. Dans ton vase, il n'y a pas la calomnie. Dans ton vase, il n'y a pas que les histoires des autres. Dans ton vase, est-ce que ton vase est vide? Si tu amènes un vase qui est plein, il y a probabilité que Dieu ne le remplisse pas. Si tu apportes un vase qui est plein, Jésus-Christ ne travaille pas avec des vases pleins. Il a travaillé avec des vases vides. Parce que dans les vases vides, c'est de remplir le vase que tu as, mais avec une substance d'abord qu'on va appeler eau. Viens ce soir avec quelque chose qui sera vide et on va y mettre une substance. Jésus-Christ ne travaille pas avec des vases qui sont pleins. Les vases pleins t'appartiennent à toi. Les vases pleins sont à toi. Les vases pleins, tu vas les garder dans ta maison. Mais si tu veux que Jésus-Christ passe par toi, si tu veux que Jésus-Christ travaille avec toi, viens comme si tu n'as jamais rien fait. Viens comme si tu ne sais rien. J'ai beaucoup prêché, mais je ne sais pas prêcher. J'ai beaucoup prié, mais je n'ai jamais prié. J'ai beaucoup chanté, je n'ai jamais chanté. Pourquoi? Parce que je suis vide. Je n'ai rien, je ne sais rien, je ne connais rien. Je suis vide. Et le monde me dit que la nature a horreur du vide. Dieu a horreur du plein. La nature a horreur du vide. Dieu a horreur du plein. Évite d'être plein. Évite d'être plein. J'ai prêché. Je ne sais pas prêcher. J'ai chanté. Je ne sais pas chanter. Je suis allé évangéliser. Je ne sais pas évangéliser. J'ai conduit les cultes. Je ne sais pas conduire les cultes. J'ai tout fait dans les ministères. Je ne sais pas le faire. Pourquoi? Parce que si je viens plein, Dieu ne va pas me remplir. Tu veux être plein? Dieu va t'écarter. Et c'est ce qu'elle a fait à la fin de ces choses. Venons vite. Tu veux l'onction? C'est bien beau, viens vite. Tu veux la grâce. C'est bien beau, mais viens vite. Tu veux le miracle. C'est bien beau, mais viens vite. Tu veux la grandeur. C'est bien beau, mais viens vite. Tu veux l'excellence. C'est bien beau, mais viens vite. Tu veux la puissance. C'est bien beau, mais viens vite. Fais comme si tu n'as jamais rien fait de ta vie. Alléluia. Fasse vite. Alléluia. Amen. Quand je viens, je viens comme si je ne sais rien. Tu peux acclamer pour moi. Mais je ne sais rien. C'est bien chanté. Tu acclames pour moi, mais je ne sais rien. C'est tout fait. Mais je ne sais rien. Viens comme si tu n'as jamais rien fait. Tu verras comment Dieu va t'utiliser. Il y a un père que je connais dans la Bible. Il s'appelle Isaïe. Il est une sorte de vase qui est plein. Le problème avec Isaïe, c'est que Isaïe est un père, mais pas un bon père. Il est tellement rempli, mais rempli de choses qui ne sont pas bonnes. 1 Samuel 17. Samuel, on va commencer à partir du verset 12. Quand je suis en train de parler de ça, je suis en train de sentir David qui me tire dans les habits. Je me pose la question, pourquoi tu me tires? David est en train de me dire, il y a des problèmes que j'ai dans ma vie que je ne sais pas expliquer. David me lance trois papiers. Alléluia. Amen. Est-ce qu'on est ensemble? David me lance trois papiers. Le premier papier, c'est écrit acte de naissance. Je pose la question à David. Pourquoi tu me lances ton acte de naissance? Je n'en ai pas besoin. Il me dit, oui, tu dois lire mon acte de naissance. Et sur son acte de naissance, c'est écrit psaume 51, le verset 7. Voici, je suis né dans le péché. Ma mère m'a conçu dans l'iniquité. David me dit, je n'étais rien, j'étais vide. Même le nom de mon hôpital s'appelle iniquité. Le nom de ma mère s'appelle péché. Mon père, trois points de suspension. Je pose à David cette question. Pourquoi tu mets trois points de suspension sur ton père? Il me dit, je ne sais pas si c'est un père. 1 Samuel 17. Verset 12, la Bible me dit ceci. Or, David était fils de sept Éphratiens de Bethléem de Juda, nommé Isaïe, qui avait 8 fils. Première de choses, un père qui a 8 fils, c'est un bon père. Normalement on dit que les enfants c'est une bénédiction. Il a 8 fils. Verset 13, la Bible me dit ceci. Le 3 fils est né. Donc, Eliab, Aminadab et Shama, ils sont allés en guerre. Si nous sommes 8, on fait les calculs simples. 8, 3 sont partis en guerre. Combien sont restés à la maison? Il y en a 7. Mais 3 sont en guerre. 1 est chez Saül. Donc il y a 4 à la maison normalement. Mais ce qui est bizarre, pendant la guerre, David se résout de rentrer à la maison. Ce qui fait qu'il rentre à 5 à la maison. Mais celui qui rentre à la maison, c'est celui qui doit aller garder encore le troupeau de son père. Ça ne s'arrête pas là. Je vais au verset 14. La Bible Bible me dit David était le plus jeune. Donc les cinq qui étaient à la maison, c'est David qui était le plus petit. Mais je suis le plus petit. Mais pourquoi c'est seulement moi que tu dois voir? Son père se résout de faire un repas pour aller donner à ses frères. Pas n'importe quelle guerre. Ni Baba Waje. C'est quel père? Qui peut accepter de prendre son fils cadet et l'envoyer à la guerre. Ce papa était en train d'écrire l'acte de décès de son fils. Deuxième papier que David me lance. L'acte de décès de David. David me dit, je ne suis rien, mais mon père me donne mon acte de décès. Il m'envoie où? Il m'envoie là où il y a les Philistins. Regardez ce qu'il fait. Il me dit au verset 17, prends pour tes frères cette tefa de grain rôti et 10 pains. Ça c'est pour d'abord tes trois frères. Et puis verset 18, porte aussi ces 10 fromages au chef des milliers. Ah. Baba Waje, quel père a tout même un vite à mon toto qui peut accepter d'envoyer à la guerre son fils cadet. Akamopati général. Puis aller donner un général. Quand on akamopati le général amikate. Qu'il donne un général le pain. Où le général 40 toujours. On a que ce général 40 jours. Et qu'on a putain bio. Il est en train de fuir. Devant Goliath. Belle Goliath. On parle d'une balle perdue. Même une flèche perdue peut m'atteindre si la guerre dépasse. Ni Baba Waje. C'est quel père? Mais j'aime David quand il finit. David me dit, voici mon troisième papier. Sur le troisième papier, c'est écrit curriculum vitae. Je me pose la question, pourquoi tu me lances le curriculum vitae? Il me dit, parce que sous le curriculum vitae, il y a l'expérience professionnelle. Le problème, c'est que mon père ne connaît pas mon expérience professionnelle. Quand il me donne l'acte de décès, sur l'acte de décès, il n'y a jamais eu l'expérience professionnelle. Mais sur le curriculum vitae, il y a toujours eu cet acte des expériences professionnelles. Je proclame ce soir qu'il y a de ces papiers qu'on va déchirer au nom de Jésus, parce qu'on doit changer tes expériences professionnelles. Le problème c'est quoi? Tu viens tellement rempli, viens vide et Dieu fera quelque chose pour toi. Viens vide et Dieu va changer ton expérience professionnelle. Viens vide et tu auras des expériences professionnelles, que ce soit les autres qui vont chanter. Toi tu ne vas pas chanter, mais les autres vont chanter tes expériences professionnelles. Je ne suis rien, je ne peux rien, mais le Dieu qui m'a oint, il remplit mes expériences. Ce soir Dieu va remplir tes expériences. Tu n'en as pas, mais Dieu va le faire. Tu n'en as pas, mais Dieu va le faire. Tu n'en as pas, mais Dieu va le faire. Je dis, tu n'en as pas, mais Dieu va les accomplir dans ta vie. Tu n'as pas d'expérience. Quand je te regarde, quand je te regarde, tu n'as aucun compte en banque. Quand je te regarde, mais Dieu va faire quelque chose dans le nom puissant de Jésus. David n'est rien, mais son expérience professionnelle devait être changée. Ce soir, Dieu veut changer l'expérience professionnelle de quelqu'un. Ce soir, je vais changer. Une chose que je vais te demander. Il y a un verset sur lequel j'ai beaucoup médité. Élisée a dit à cette femme, ferme sur toi les portes et ferme aussi les portes sur tes enfants. Tu veux que Dieu fasse quelque chose de toi ce soir. Il y a des choses que tu dois fermer. Certains doivent fermer leur bouche. Toute l'église connaît ton problème. Ou rien n'a qu'au Japon. Je dis bien. Mais est-ce que si beau tes fautes, tu es rien n'a qu'au Japon? Tu es parti en Japon, c'est bien. Est-ce que c'est nécessaire que nous tous nous puissions savoir que tu es en Japon? Ton mari touche 100 000 dollars, c'est bien. Est-ce que tous on doit savoir que ton mari touche 100 000 dollars? Tes enfants sont à Kamoa, c'est bien. Mais est-ce que tous on doit savoir que si tu es en face de toi, tu es en face de toi? Aujourd'hui, nous tuons nos frères à cause de ce soir, si on veut que Dieu passe par nous, et nous voulons que Dieu passe à ta il y a des choses qu'on doit fermer. La Bible me dit au verset 4, au premier verset de ce chapitre 4, que cette femme a crié. J'ai compris que cette femme elle aimait crier. C'est peut que nous aussi nous sommes de ceux qui aimons crier. Arrêtons un peu de crier. Il est le moment où on doit fermer les portes. La chambre haute, si l'onction doit descendre, doit être fermée. L'église, on doit apprendre à fermer nos portes. Quand tu rencontres quelqu'un du dehors, il t'explique l'histoire de l'église comme s'il est de l'église. Non, on doit fermer les portes de notre église. Il y a des choses qu'on doit fermer sur nous, sur nos enfants également. Peut-être toi c'est les téléphones que tu dois fermer. Peut-être toi c'est le WhatsApp que tu dois fermer. Peut-être toi c'est ton TikTok que tu dois fermer. Peut-être toi ce sont tes habits que tu dois fermer. Peut-être toi ce sont tes amis que tu dois fermer. Si tu veux voir Dieu agir favorablement dans ta vie, ferme un peu les portes de ta maison. Funga milango ya nyumba yako. Bantu bote banayo mambo yako. L'église connaît tout ton problème. Mtu anafika leo mukanisa. Quelqu'un qui arrive aujourd'hui à l'église. Manakuyua bien, Jay. Il te connaît, il te maîtrise parfaitement. Connais chez toi, il connaît les noms. Batoto yako, le nom de tes enfants. Que Dieu nous pardonne et que Dieu nous aide. Dieu veut travailler avec des gens qui seront fermés. L'onction n'aime pas les bruits. Dieu n'aime pas les bruits. Tu apportes une vase qui est pleine, tu ne vas pas l'utiliser. Cette femme, quand elle est entrée dans la maison, elle criait avant d'entrer. Mais quand elle est sortie de la maison, elle ne criait plus. Elle avait appris la sagesse de rester calme. Ayons la sagesse de rester calme sur cette situation de nos vies. Est-ce qu'on peut se tenir debout? On va chercher ce Dieu. Dieu veut travailler avec quelqu'un ce soir. Dieu veut faire quelque chose dans la vie de quelqu'un ce soir. Je suis sûr que Dieu veut nous visiter ce soir. Je suis sûr que Dieu veut impacter la vie de quelqu'un ce soir. Mais il le fera à une seule condition. Si on garde le silence et qu'on le cherche véritablement, notre église a besoin de voir Dieu. Il y a une autre dimension que Dieu doit faire dans notre église. Il y a une autre dimension qui doit être déversée dans notre église. Il y a quelque chose que Dieu veut voir dans notre église. Mais si Dieu veut le faire, on doit fermer les portes dans notre église. Pour ceux qui viendront te visiter, ils doivent trouver quelqu'un qui est ravitaillé dans une nouvelle onction. Commence à élever la voix. Appelle celui qui peut remplir ta vie. Ça couille, t'as le mot, t'en es à coucher, ça marche. Satan, Kadesh, Shamelia, Sedev, Shada, Yadada. Cherche ce Dieu ce soir. Appelle ce Dieu ce soir. Appelle ce Dieu ce soir. Présente-lui tes vases. Alléluia. Présente-lui tes vases. Alléluia. Présente-lui tes vases. Présente-lui tes vases. Présente-lui tes vases. Il veut remplir quelqu'un ce soir. Il veut remplir quelqu'un ce soir. Il veut remplir quelqu'un ce soir. Appelle ce Dieu ce soir. Appelle ce Dieu ce soir. Appelle ce Dieu ce soir. Guéri à ta dinasse. Waka la santa la vie. Miringia paka blemiko. Alléluia. Chita toka blemiringia. Alléluia. Elika la sataria. Alléluia. Monte en prière. Monte en prière. Monte en prière. Monte en prière. Marie d'Ali Sadea. Akali Akele Dei. Et l'Ogali Sadalea. Sade Ika Asa. Et Fateli Karia. Monte en prière. Wamile le Mungu wa Masiri. Éternel, le Dieu des âmes, nous voici ce soir. Dans une autre dimension cachée avec moi. Mina Katala va créancer mon Maïsaïa. Va créancer ma goutte à foutre à ma tonton. Mina Katala. Je refuse des créanciers qui ont les yeux sur mes enfants. Je refuse des créanciers qui ont les yeux sur mon onction. Je refuse des créanciers qui ont les yeux sur ma grâce. Je refuse ce type de créancier. Yaya Kajelia. Mekadelia Sedalia. Je refuse des créanciers ayant des yeux sur ce qui m'appartient. Alléluia. Je refuse que l'on vienne me prendre ma richesse. Alléluia. Je refuse qu'on vienne me prendre ce qui est à moi. Je refuse qu'on vienne me dérober ce qui m'appartient. Je refuse. Je veux l'onction, mais dans une autre dimension. Je veux la grâce dans une autre dimension. Je veux la plénitude dans une autre dimension. Monte en prière. Monte en prière. Monte en prière. Bonne tena. C'est un yataruski à Boulouma. Tes saints n'auront jamais pitié de toi. Kadadia Sadalia. Wakata l'Andrea Telebia Sede, Weke Telebia Dalla la Sibalia, Wapanda Dabi Telebre de Kevia Sede, Sokata l'Andrea Talania Setayada, Ragi Satayata Sedebe, Eko Payada Sedebea, Lohut Sapayada Dalise, La Cosita, La Cordia Kete, O Padis Kadadea, Jésus est dans la salle. Ce soir, Dieu veut remplir quelqu'un. Ce soir, Dieu veut remplir quelqu'un ce soir. Seigneur, Dieu veut remplir le vase de quelqu'un ce soir. Dieu veut remplir quelqu'un ce soir. Dieu veut remplir quelqu'un ce soir. Dieu veut remplir quelqu'un ce soir. Dieu veut impacter la vie de quelqu'un ce soir. Dieu veut remplir quelqu'un ce soir. Dieu veut impacter la vie de quelqu'un ce soir. Dispose ton cœur ce soir. Emma, Esha, Upa, Uva, Uka, Uska, Etaya, Upana, Lekeya. Satya, monte en prière, monte en prière, monte en prière, monte en prière. Dieu veut te voir ce soir, Dieu veut te visiter ce soir. Monte en prière, monte en prière. Venez, regardez à Satya, monte en prière ce soir. Si ma mère a pris quelque chose, elle n'a pas prié. Délias, Tavélis, monte en prière ce soir. Sadelia, Elan, Sada, je suis dans la salle. Elan, je suis dans la salle. Elan, je suis dans la salle. Elan, Jésus est dans la salle. Elle est là. Jésus est dans la salle. Elle est là. Jésus est dans la salle. Elle est là. Jésus est dans la salle. Et quand il y a sauvé. Et quand il y a l'élation. Jusqu'à Péria. Où est Saint-Éléa? Aujourd'hui, Seigneur, nous sommes esclaves. À cause de nos parents. À cause de mon père. À cause de ma mère. Je prie ce soir. Je prie ce soir. Je prie ce soir. Donne-moi la capacité. Il passera par moi ce soir. De renverser, Seigneur, toutes ces dettes, Père. Il va me visiter ce soir. L'esclavagisme ne règne pas, Seigneur, dans ma chair. Il va me visiter ce soir. Je refuse, Père. Ça fait tant d'années que je suis là. Mais Shimon va me visiter ce soir. Je refuse, Père. Que je sois esclave, Père. Le vase que j'ai apporté est vide. Il doit le remplir ce soir. Il doit le remplir ce soir. Je ne connais pas, Seigneur, le souffle. Les vases qu'il me donne ce soir. Je ne sais pas si c'est la les vases que je lui amène ce soir. Je n'est pas un vase qui est plein. Mais je refuse, Père. Mais c'est un vase qui est vide. Ce soir qu'il remplit mon vase. Sous ma vie. Qu'il remplit les vases ce soir. Sous la vie de ma femme. Sous ma maison. Qu'il remplit le vase que je lui apporte ce soir. Remplis mon vase de toi. Remplis mon vase de ton onction. Remplis mon vase de toi. Remplis mon vase de ton onction. Remplis mon vase de toi. Remplis mon vase de ton onction. Remplis mon vase de toi. Remplis mon vase de ton onction. Remplis mon vase de toi. Remplis mon vase de l'onction. Remplis mon vase de toi. Remplis mon vase de l'onction. Remplis mon vase de toi. Remplis-moi de toi. Remplis-moi de toi. Les vases que j'avais n'est pas un simple vase. Il est vide, remplis-le. Et encore, Sheba. Abada, Sebaya. Monsieur le Dias. Aujourd'hui, c'est le 31. C'est le dernier jour du mois d'octobre. Le dernier jour. Je bénis le Seigneur pour mon fils Mathieu. Et nous continuons à le faire pour tous nos enfants. Il nous a dit trois choses. Trois choses importantes. Et j'aimerais t'aider à prier. La première chose. Il a dit. L'Esprit nous a dit par lui. C'est pourquoi il faut être attentif quand vous suivez le message. Que s'il y a le créancier, il y a Élisée. Il faut retenir ça comme première pensée de ce soir. Le créancier est venu réclamer sa dette. Élisée est venu pour payer la dette. Mais Elisha rikuya juu ya kulipa deni ile. Je descends encore. Nashuka tena. Nous allons prier ce soir. Tutaomba imangaribi. Contre les esprits de réclamation. Kumapepo yote ya kulazimishwa. Il y a des esprits qui viennent réclamer la vie de tes enfants. Kumapepo ile kuna lomba maisha watoto wako. Les réclamer. Pour qu'ils soient esclaves de la pauvreté. Il n'y a pas de quoi de la maladie. Il y a des esprits qui viennent réclamer ta vie. Kuna watu kuna lomba maisha yako. Oh, ce soir. Lakini mangaribi. C'est un vendredi de prière. Inakuwa ni kazi tano ya maombi. Nous allons prier. Tutaomba. Parce que l'esprit de Dieu est là Mungu, plus que l'esprit d'Élisée. Jésus a payé notre dette à la croix de Golgotha. Je vais lentement, calmement pour que nous puissions comprendre la pensée de Dieu. Donc, la première chose, toutes les réclamations dans ta vie, Dieu a déjà résolu ce problème. Et quand tu vas refuser, quand tu viens réclamer la vie de tes enfants, réclamer ta vie, réclamer ton travail, réclamer ce qui t'appartient, tu vas refuser. Christ a accompli à la croix. Il a payé ma dette à la croix de Golgotha. Alléluia. Je ne dois rien au diable. Alléluia. Amen. Je ne dois rien au diable. Christ a payé. Christ a chakulipa. Je vais même plus loin. Je ne dois rien à Dieu. Christ a payé. Christ a chakulipa. C'est que la justice de Dieu est demandée. Il est waki à mon sa colombe. À cause de nos péchés, Christ. Pour chili ensemble, c'est tout Christ à chaque repas. Alléluia. Amen. Donc ce soir, Imangarib. Nous allons prier. Ça, c'est le premier sujet. Ina kwa ni kisina kya kwanza. Le deuxième sujet. Na kisina kya pili. Si vous suivez la parole. Kama muna fata neno. Si nous sommes attentifs, nous qui écrivons. Si soit le troka tu kianjika. La nature a horreur du vide. Ulimwangu inakuwa utupu. La nature Umbile. Umbile inakuwa tu utupu. Là où il y a le vide, pale panakuwa utupu. La nature vient remplir. Mais Dieu, lakini Mungu, a horreur du plein. Mungu anakuwa na boka wa kuchazwa. Quand tu es plein, wakati unachazwa, Dieu te laisse. Mungu anakuacha. Quand tu es vide, wakati unakuwa pasipo kitu, Dieu vient. Mungu anakucha. Mais quand tu es vide, wakati unakuwa pasipo kitu, Dieu vient. Mungu anakucha. Quand tu es plein, wakati unachazwa, Dieu s'éloigne. Mungu anaenda. Dieu a horreur de gens qui sont pleins. Mungu anakuwa na boka kwa watu washa kuchazwa. Mais la nature a horreur de gens qui sont vides. Lakini umbile inakuwa na boka kwa watu wana kitu. C'est pourquoi dans Jean 7, je pense. Jo file moyo wano saba. Le dernier jour de la fête. Siku ya kwanza kara. Jésus dit que celui qui a soif. Alasema ule wote alikuwa na kiu. Il a demandé seulement à ceux qui avaient soif. Alisema kwa wale wako na kiu. Nous allons prier. Tutaomba. Mungu atatusaidia. Dieu va nous aider. Ceux qui ont soif ce soir. Bale banakuwa na kiu imangaribi. Dieu va les remplir. Mungu atabachaza. La troisième chose. Na kitu kya tatu. Il a dit. Alisema. Élisée lui a dit. Elisha alimwambia. L'esprit de Dieu a dit à cette femme où nous a dit. Roho ya Mungu ilimwambia mwanamke akusema. Fermez la porte sur vous. Funga milango kwa ajili yako, kwa ajili yako kwa watoto. Mpendo imangaribi. Fermez la porte sur toi et sur tes enfants. Utafunga milango kwa ajili yako na kwa ajili ya watoto yako. Il y a d'autres choses qui entrent parce que tu as laissé des portes ouvertes. Tu dois fermer la porte. On n'a pas chaque funga milango. Pour être sûr que ce que Dieu te donne. Jogo na ukisho sebile Mungu anakupa. L'ennemi ne vient pas commencer à prendre les bouteilles. Adu ya stanza tena kubeba machupa. Trois sujets de prière. Bisina bitatu ya maombi. Nous nous tenons debout. Tunasimamia yulu. Nous prions pendant 12 minutes. Tutaomba kadira dakika 3 fois 12 c'est combien? C'est 9. Merci. On va prier pendant 10 minutes. Premier sujet de prière. Kisina ka kwanza ka maombi. Nous voulons prier. Tunapenda kuomba. Tu vas t'opposer contre toutes les réclamations sur ta vie. Utakatala kwa kulomba kote pa maisha yako na kwa watoto wako. Celui qui réclame c'est comme si ukuna ndeni. Hauna ndeni na mtu. Tu n'as la tête de personne, même pas de sorcier. Hauna ndeni hata walozi. Hakuna hata mtu mtaweza kulomba kwa nyumba yako. Ça c'est le moment de combat spirituel. Hii inakuwa ni mawakati ya mabukomfi ya kiroho. Tu es en train de prier, nous sommes en train de marcher. Bien-aimé. Uko na omba kuna tembea, inakuwa ni kasita. Inakuwa ni siku ya mwisho ya mwezi wa 10. Utatembea mchumba. Toutes les réclamations sur ta. Unalabisha makulomba kote kwa maisha yako. Cette femme a refusé les réclamations sur la vie de tes enfants. Mwanamke alikatala makulomba kwa maisha ya watoto wake. Niku sa mungu na fia mtoto wewe na créancier. Ndio mnakuwa na fia mtoto wewe na huyo kuleta ndeni. Wengine yana ki rêve on est en train de prendre l'enfant, il essaie de tirer l'enfant par la main. Kuna wengine wako na lota wako na mkokota mtoto na wako mkokota mtoto mkono. Réclamation. Inakuwa ni kulomba kulasimisha. Ton travail tu vois comment c'est en train de Quand tu es en train de partir. Non, ce soir. tu vas annuler toutes les réclamations. Parce que Dieu a déjà payé pour toi. Lève ta main droite. Lève ta main droite. On va prier en tapant les mains. Lève ta main droite. On va prier ensemble. Ce soir. Ce soir. Monte encore en prière. Pandatena. Ce soir. Ce soir. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Je refuse. Je refuse toutes les réclamations sur la vie de mes enfants, sur la vie de mes enfants, sur la vie de ma famille, sur la vie de ma famille, sur ma santé, sur ma santé, sur la santé de ma femme, sur la santé de ma femme, sur la santé de mon mari, sur la santé de mon mari, sur la santé de mes enfants, sur la santé de mes enfants, sur mes affaires. Je refuse toutes les réclamations sataniques, toutes les réclamations du diable, toutes les réclamations de la famille, toutes les réclamations de la famille. Au nom de Jésus, refuse toutes les réclamations. Au nom de Jésus, ce soir, Seigneur, je refuse toutes les réclamations. Nous allons d'abord détruire les réclamations de la mort. Tout en gauche, ta ma glomba côté quoi l'ouf. Mort est en train de réclamer quelqu'un. L'ouf est qu'on a lassimi chamoutou. Dans ta vie, dans ta famille, dans ta famille, dans ta maison, dans ta maison, dans ta maison. C'est ma buona yes. Buona yes. Mangaribi aleo. Mangaribi aleo. Minasimama mukanisa. Minasimama mukanisa. Presence yako na ba malaika. Presence na ba malaika. Je suis à coup détruit. Ma réclamation yote. Ya bifo. Pa maisha yangu. Munyumba yangu. Mukisazi ketu. Au nom de Jésus. Deuxième sujet de prière qu'on nous a donné ce soir. Ferme les portes sur toi. Funga milango kwako. Et sur tes enfants. Na kwa chila watoto wako. Ce soir. Imangaribi. Tu vas fermer les portes. utafunga milango kwa ajili yako na kwa ajili ya watoto wako jusqu'à la fin de l'année paka mwisho wa mwaka Mangaribi ya leo. Mangaribi ya leo. Mina funga. Milango yote ya gereza. Milango yote ya gereza. Katika jina la Yesu. Katika jina la Yesu. Watoto yangu. Kwa watoto yangu. Munyumba yangu. Munyumba yangu. Kanisa yetu. Kanisa yetu. Yesu. Ferme les portes. Ferme les portes maintenant. Ferme les portes. Troisième chose, les vases vides. Vyombo vitupu. Lève tes mains. Nyanyo mkono wako. Que celui qui a soif ce soir. Ule anakuwa na kiu imangaribi. Il va boire. Atakunywa. Jean 7, 37 commence comme ça, 38 et je ne sais pas, peut-être 39, il dit, il parlait du Saint-Esprit. Saint-Esprit. Qui devait arriver. Pacha kuja. Ouvre ton cœur. Fungula moyo wako. Et envie bien-aimé. Kuwa na nia mpendwa. D'être rempli. Ya kujazwa. Les choses spirituelles doivent travailler. Bintu bya kiroho binapasha kutumika. Lève seulement tes mains. Nyanyua tu mkono wako. Il va remplir celui qui a soif. Atajaza ule anakuwa na kiu. Il y a même qui seront visités. On va commencer à prier pour eux, que Dieu donne des dons de prophétie, donne des visions. Mungu alete komansa wadi ya unabi ya onyo. De quelque chose. Mungu atakujaza kwa kitu kimoja. Ça dépend de ta soif. Iko naelekea tu na kiu yako. Bien-aimé. Mpendwa. Joël chapitre 2 dit ceci, cette promesse est pour les jeunes gens. Imala kuna kwa njia watoto vyazee. Watu wakubwa. Et Acte chapitre 2. Na tendo la mitume sura ya pili. Pierre il dit. Petro na mambi. La promesse est pour vous. Mahaidi na kwa kachili yenu. Et pour tous ceux que Dieu appellera en aussi grand nombre qu'il soit. Na kwa wale wote Mungu ataweka kwa wingi ngao. Alors lève tes mains. Nyanyua mkono wako. Monte le synthétiseur. Alléluia. Il y a gens qui seront remplis ce soir. Kuna watu watachaswa imangaribi. Alléluia. Alléluia. Si tu parles en langue, commence à parler. Comme on a sema kamuluga anza kusema. L'interprétation. Mungu ataleta utafsiri. Tu vas ajouter une autre dimension. Mungu ataleta toa ingine. Oui, ça vient. Ndio iko nakucha. Oui. Ndio. Oui, monte. Panda. Alléluia. Alléluia. Alléluia. Alléluia. Alléluia. Alléluia. Alléluia. Oh, alléluia. Alléluia. Alléluia. Alléluia. Remplis les cœurs qui ont soif. Chasse à mioyo. Qui ont soif. Il est quoi na kiu. Des choses de Dieu. Pitsu bia mungu. Qui ont soif. Il est quoi na kiu. D'être baptisé ce soir. Il pate kubatiso i mangaribi. Soif de don ce soir. A kiu kia sawati. Alléluia. Oui, ça vient. Dio. Il est là le Saint-Esprit. Eko hapa Roho Mtakatifu. Alléluia. Sa kiteni akompa lufeine mes. Commence à prier, ne reste pas calme. Anza kuomba usibakie kimya. Commence à prier. Anza kuomba. Dis Dieu, j'ai soif de te. J'ai soif d'être rempli. Kiu ya kuchaswa. Shkatalianeka. Eyanova unemenekum paliake. Oui, monte, bien aimé, monte. Panda tena mpendwa panda. Tu es seul, il n'y a personne autour de toi. Uko peke yako, kuna mutu pembeni yako. Usiregarde jirani wako, mwanaume ata mwanamke. Ça c'est le temps pour ta vie. Hii inakuwa ni wakati kwa ajili ya maisha yako. C'est le temps pour lui. Ni kwa ajili yako. Qui va t'aider à vivre après. Alléluia. Alléluia. Saint-Esprit de Dieu, Saint-Esprit de Dieu, ouais-nous ce soir, ouais-nous ce soir, ouais-nous ce soir, ouais-nous ce soir, l'Esprit de Dieu, ouais-nous ce soir, l'Esprit de Dieu, ouais-nous ce soir, l'Esprit de Dieu, touche-nous ce soir, impacte nos vies. Impacte nos vies, impacte nos vies, impacte nos vies, touche nos vies ce soir. Commence à toucher nos vies, commence à transformer nos vies, commence à changer notre façon de parler, commence à changer notre façon de voir, commence à changer cet esprit. Tu es là, tu es là, tu es là, tu es là, tu es là, tu es là, tu es là. Commence à agir dans nos vies. Commence à parler dans nos cœurs. Commence à être rempli. Ce soir, tu les grâces. Touche-nous, touche-nous, touche-nous. Touche-nous ce soir. Touche-nous ce soir. Oui, tu es là. Oui, tu es là. Oui, tu es là. Oui, tu es là. Oui, tu es là. Touche-nous ce soir. Impacte-nous. Impacte nos vies. Impacte nos vies. Impacte nos vies. Impacte nos vies. Ce soir, Père, ce soir, Père. Chaque talamana en paria compte. L'ouce que dit la nirva itele. Racousse te liva enemana soute. Lia neva ou kaliamana enta. Lokeria compte lia conse. Conske kupalia conva ineme. Mene ouce te lia keva. Anamana kan kakute lia ke. L'ouce que te. Ashkatalia. Ashkatalia. Ashkatalia. Et quand nous c'était de Rania mana et Resseria coque Conque couque pelia Akane ane Rose cake Rose cake Akanama Où est nous ce soir? Où est nous ce soir? Où est nous ce soir? Où est nous ce soir? Saint-Esprit, Saint-Esprit, Saint-Esprit. Il y a dans la salle des gens que Dieu veut sélectionner avec des dons prophétiques. Tu combien de gens? C'est un don que Dieu veut activer. Activer, c'est-à-dire qu'il croit chakoulala, mon appel à qui la mouche. Alléluia. Alors sois concentré. Il y a des dons qui seront activés. Kuna mazawadi wanaanza kuilamusha. Et il y a des gens qui seront sélectionnés. Na kuna wale takwenye kuchakuliwa. On est seulement calme. Tunabakia tu kimya. Tu as tes deux mains pour recevoir. Nyosha mikono yako juu kupokea. Le Saint-Esprit est en train de faire son job. Roho Mtakatifu yuko nafanya kazi yake. Amène-moi cette sœur là, on va prier pour elle. Wale tele ko kule tombea. Protocole, amène-moi cette sœur. Walindamani umlete leta kole dada. Nous sommes concentrés. Tunachonga kile tufasi moja. Oui. ceux qui ont soif aujourd'hui. Oh l'église, Dieu veut que tous les dons marchent. Alléluia. Amen. Là ici, Dieu va lui donner même l'interprétation. Elle n'est pas seule dans la salle. Asina peke yake ndani ya chumba. Toi aussi là où tu es. Le Saint-Esprit est en train de faire un travail ce soir. Lève tes mains, sois concentré. Pendant que le Saint-Esprit est en train de monter avec nous. Dans le nom puissant de Jésus. Et libère en ces lieux. L'action. L'onction du Saint-Esprit au nom de Jésus. Recevez. Pokeyeni. Reçois là où tu es. Kule uko pokea. Commence à prier. Les gens qui parlent en langue peuvent s'approcher ici devant. Je vais prier pour eux. Ça ne doit pas rester à la langue seulement. Si tu parles en langue, approche-toi ici devant. Je vais prier pour toi. Approchez-vous ici. Approchez-vous. Les dons doivent marcher. Approchez-vous. N'ayez pas peur, n'ayez pas honte. Approchez-vous. Approchez-vous. Vous avez les mains levées. Il y a des dons qui doivent descendre. Il y a des dons qui doivent descendre. Les mains sont levées. Patricia, aide-moi à récupérer le bébé qui est là. À parler parce que je vais prier pour vous. Je vais prier pour vous. Je vais vous imposer la main ce soir pour que Dieu active quelque chose. quelque chose. Que Dieu active. Commence seulement à parler à la moi, je vais prier pour toi. Dieu va activer ce qu'il va activer. Ouvre ta bouche, commence à parler maintenant. Visite. Oui, la Acoria. Manuseke, l'eria ketalia, e canusa katamana, aperia conskeme, shitekete, e canisse, ayamahasete, l'orideke, l'orideke, et rien n'est sélectionné parmi les dons de prophètes. Et rien n'en souyeke, on est calme, Dieu lui-même va commencer à toucher un à un. Un à un. Nous voulons écouter le message de Dieu. C'est le dernier jour du mois d'octobre. Nous sommes en train d'entrer dans un mois terrible. L'esprit du prophète est soumis au prophète. Tu es concentré. Il y a des messages que Dieu va libérer pour l'Église et pour certains frères et sœurs. Un, deux, trois. Comment? Pendant que nous prions, je vois la place des mamans. Je vois la place des mamans. On vient de la déloger là où elle était assise sur une chaise. On l'a mis par terre. À un moment donné, je fis. L'esprit m'a conduit, on l'a amené dans le bureau du pasteur. Et après, on a appelé l'urgence. Je le vois, on l'a amené à Roukat. Mais à un moment donné, je vois, on a dit que non, ça n'ira pas à Roukat, il faut qu'on la transfère. Et Dieu réclame à ce que nous puissions prier pour Maman Elvire. Ce que je vois, elle n'est pas en bon état, elle est malade. Et le Seigneur exige que nous puissions prier pour elle. Prier fortement. Une prière de délivrance afin qu'une tête ne puisse pas tomber. Au nom de Jésus. Tu es concentré en prière ce soir. Il y a des gens que Dieu va visiter. Les dons de Dieu, c'est pour nous, ce n'est pas pour Dieu. Oui, sois connecté. Sois connecté à l'action de Dieu. Seigneur, ce soir, répands une fraîche onction. Répands une fraîche onction. Que l'huile coule en ces lieux. Mmh. Oui. Oui. Oui, c'est en train de venir. Il y a la sœur Adèle. Un instant. Merci Jésus. Emmanuel est là, ici présent avec moi. Emmanuel est là. Oh, élève ta voix, commence à remercier le Seigneur. Commence-moi à remercier le Seigneur. Dieu est en train de nous introduire dans une autre dimension. Il est présent avec toi. Emmanuel est là ici. Oh yes! Avec nous. Alléluia. Emmanuel est là. Emmanuel. Emmanuel. Emmanuel est là ici présent avec moi. Seigneur, merci. Parce que tu déverses tes grâces. Bien-aimé, même là où tu es, Dieu est avec toi, Dieu te connaît, Dieu te voit. Il va te toucher même là où tu es. Il peut te remplir même là où tu es. Si ton cœur est ouvert, oui, dans le fond, là, Dieu veut toucher quelqu'un. Il veut toucher quelqu'un. Parce qu'il est présent dans toute cette atmosphère. Père, je te bénis. Je bénis ta présence. Je bénis ton nom extraordinaire et merveilleux. À toi l'honneur, la puissance et la gloire. Au nom de Jésus. Pendant que vous rentrez à votre place, est-ce qu'on peut acclamer pour le Seigneur? On acclame pour le Seigneur. Nous donnons nos offrandes. La chorale nous accompagne. Ne partez pas à côté de moi juste 5 minutes. On a quelques communiqués importants. Nous commençons un mois extraordinaire. Alors nous donnons nos offrandes.